Mardi le 19 juillet, il est 12h30. Ici Dominique Lelièvre pour les informations. Tout d'abord, une percée importante sera accomplie à l'Université Laval pour le traitement du virus Zika. C'est un virus qui, rappelons-le, touche principalement les régions du Pacifique et de l'Amérique du Sud. Il se transmet principalement par les moustiques et est associé à de nombreux cas de fausses couches et de malformations congénitales. Eh bien, le Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval sera le premier au monde à réaliser une étude clinique pour un vaccin contre cette maladie. L'équipe de recherche a annoncé ce matin avoir franchi toutes les étapes nécessaires, dont l'aval de Santé Canada et de son penchant américain, la Food and Drug Administration. Également dans l'actualité, deux pilotes de la compagnie Air Transat comparaîtront aujourd'hui devant un tribunal écossais. Les deux hommes âgés de 37 et 39 ans ont été interpellés juste avant le départ de leur vol hier, en partance de Glasgow et en direction de Toronto. Les pilotes sont soupçonnés d'avoir voulu piloter leur avion en état d'ébriété. La police est intervenue après le signalement du personnel de bord. Les 250 passagers de l'Airbus A310 ont finalement pu s'envoler aujourd'hui après avoir passé une journée de pluie à l'hôtel. Transat Québec-Saint-Malo maintenant. Les premiers voiliers sont attendus à Saint-Malo au cours des prochaines heures. Le seul géant des mers en lice, le Spin Drift 2, devrait arriver entre 14h et 16h, heure du Québec. Il devrait aisément surpasser le record de la traverse établi il y a 20 ans. Rappelons que son rival, le Musandam, a chaviré dimanche matin et son équipage a d'ailleurs rejoint la terre ferme aujourd'hui à Terre-Neuve. Et chez les trimarans de la classe Multi-50, c'est toujours l'Arkema qui est en première position, suivi du French Tech Rennes Saint-Malo et enfin, en troisième position, le Ciela Village. Chez les monocoques de la classe 40, c'est encore l'équipe espagnole du Thales 2 qui domine. Rappelons que la première vague de voiliers avait quitté Québec le 10 juillet dernier. Ils auront parcouru près de 5400 km en 9 jours. Enfin, en terminant, scène régionale, la Ville de Québec recule sur l'installation de lampadaires de type DEL. Elle s'en remet désormais à une étude de la santé publique qui doit être rendue publique à l'automne. Sur les 50 000 lampadaires que compte la Ville, 32 000 lampes DEL devaient être remplacées d'ici 2018 sur le territoire. Elles sont moins énergivores, ces lampes, alors elles permettent à la Ville d'économiser considérablement. Par contre, elles représentent un risque pour la santé, pour la communauté scientifique, car son éclairage trop intense crée de la pollution lumineuse. Il y a également sa couleur trop bleue qui perturberait le cycle du sommeil humain. La Ville a donc choisi de reculer en attendant d'avoir l'avis de la santé publique. Et c'est ce qui complète ce bulletin d'information. Rendez-vous au ckrl.qc.ca pour plus d'actualités.